Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire un article que je viens de découper dans Le Monde, le journal Le Monde, du samedi 9 octobre 2021. Cet article s'appelle Bernard Tapie. Bernard Tapie, homme d'affaires et ancien ministre. Son dernier SMS, « Va te faire voir si tu le prends comme ça », Bernard Tapie nous avait reçu fin mars pour une interview, a publié dans Le Monde. On avait refusé qu'il relise ses propos comme d'habitude, et il s'était énervé, comme de coutume, là aussi. Un classique de nos relations depuis 30 ans, il était pourtant diminué depuis de longs mois. Ça ne l'avait pas empêché de bondir de son canapé à plusieurs reprises, emporté par ses colères, croyons-nous. Pas du tout, pas du tout, je me lève comme ça, c'est que j'ai trop mal, nous expliquait-il, après nous avoir raconté la récente visite à son domicile d'une personne venue lui couper l'eau et l'électricité à la demande du tribunal. Le dit employé s'était ravisé après avoir constaté que Tapie avait besoin de s'oxygéner tous les jours pour tenir en prévision de son procès en appel le 10 mai. Son dernier combat, même en fauteuil roulant, disait-il, pour confirmer sa relaxe. Son téléphone sonnait toujours, jusqu'à rencontrer Emmanuel Macron, à qui il avait prodigué des conseils d'un homme qui, lui, avait tout compris déjà. Bernard Tapie est finalement mort le dimanche 3 octobre, à l'âge de 78 ans, des suites d'un cancer. Dans un communiqué cité par La Provence, sa famille a fait savoir qu'il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur. Toute une époque, nous dit Le Monde. La mort de Bernard Tapie, c'est un monde d'avant qui s'écroule. Il y eut dans ce destin si singulier au moins 100 vies, comme autant de rôles interprétés par ce bonimenteur né avec une maestria que même ses détracteurs les plus virulents lui ont reconnue. À l'instant de compter le parcours du personnage, une réplique du film « Le bon, la brute et le truand » vient à l'esprit. C'est Clint Eastwood s'adressant à Eli Wallach, courbé et suant une pelle à la main dans le désert. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. S'il avait fallu confier l'un des trois rôles à Bernard Tapie, le réalisateur Sergio Leone aurait eu l'embarras du choix. Lui aurait sans doute préféré être comparé à Edmond Dantès, le héros de Dumas, dont l'histoire symbolise l'injustice, la vengeance et la rédemption. Ou encore à Robin des Bois, prince des voleurs, qui aurait juste oublié de rendre aux pauvres ce qu'il avait pris aux riches. Ces dernières années, il restait dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Il suffit qu'il mette le nez dehors pour être assailli de demandes, de selfies et d'autographes. Les seuls moments de tranquillité, il se les offrait le vendredi après-midi en se rendant à vélo à 50 km de là, dans sa résidence secondaire en Seine-et-Marne. C'était avant sa maladie, avant aussi que la justice ne le contraigne à mettre en vente son domicile. En fin de parcours, amis et adversaires finissaient dans son esprit par se confondre dans un rôle de capharnaüm affectif. Mais comment démêler le vrai du faux, le réel de l'enjoliveur, de l'enjolivé, pardon, quand tout et son contraire ont été dit, écrit à son sujet. Plus de 20 livres ont relaté cette saga sans équivalent, du Conseil des ministres au geôle de la prison marseillaise des Baumettes, de la présidence de l'OM à la conquête d'Adidas ou du Tour de France, de la ruine personnelle au rachat du quotidien à la Provence. Tapi était multiple. Il a existé, tant de visages de lui, tant de zones d'ombre que, pour résumer le tout, cela relève de la gageure. Tentons. Tout commence durant la Seconde Guerre mondiale, dans un tiroir du bas, comme il disait souvent, avec ce langage imagé qui fut sa marque de fabrique. Un milieu social dont il aurait jamais dû s'extirper. Son père, ouvrier fraiseur, et sa mère, aide-soignante, vivent alors au Bourget, commune populaire de Seine-Saint-Denis. Dans leur modeste appartement s'ébattent le jeune Bernard, né en janvier 43, et son frère cadet, Jean-Claude. Tous deux sont fous de sport, de filles et de musique. Entre cours de violon et matchs de football ou de handball, l'aîné grandit vite. Il est le roi du collège, un surdoué du baratin. Par la suite, il s'engage dans des études d'ingénieur, puis se lance enfin dans le combat de sa vie, gagner. Et gagner de l'argent, de préférence. À 23 ans, c'est un belâtre à l'œil vif qui se fait appeler Bernard Tapi, T-A-P-Y, à prononcer Tapai pour faire américain, épouse la chansonnette. Malgré un succès très relatif, il montre déjà ses muscles et trace son chemin. Il épouse Michel Layec, sa première femme, qui lui donnera deux fils. Parallèlement, il pilote à ses heures perdues une Formule 3, loupe un virage et passe quelques jours à l'hôpital. Alors il se range. En 1967, le voici dans le business des postes de télévision. Dans l'Est de Paris, il crée son propre magasin, TV Est. Au passage, il sait prendre sa comptable, Dominique Mialet Damianos, appelée à devenir la femme de sa vie. L'homme a le sens des affaires, mais la société périclite comme la suivante. Tapi s'est monté un projet, mais il flambe, il roule en grosse cylindrée et s'intéresse fort peu à la gestion du quotidien. La justice commence à l'avoir déjà dans son viseur. Qu'importe, il a trouvé sa voie, le monde de l'entreprise. Un univers certes codé, mais qui tolère parfois l'art de flirter avec la ligne jaune. Cela tombe bien. Il y a peu de limites. Dès 1974, il fonde la société Cœur Assistance. Son créneau, fournir aux malades cardiaques un boîtier portatif. En cas d'alerte, il leur suffit de presser un bouton et une ambulance est censée arriver pour les conduire à l'hôpital. Une révolution. Sauf que le milieu médical est sceptique et que l'un des abonnés décède. L'ordre des médecins porte plainte. 7 ans plus tard, en juillet 1981, Tapi est condamné pour publicité mensongère et infraction aux lois sur les sociétés. Il prétendait détenir 5 ambulances quand sa société en possédait à peine 2. Dans son livre, notre ami Bernard Tapi, paru aux éditions L'Archipel en 2015, le journaliste Yann Hamel le décrit ainsi, clamant lors de son premier procès. « Je n'ai été ni administrateur, ni actionnaire, ni employé à aucun moment de Cœur Assistance. » Du pur Tapi, il avait simplement placé sa femme en première ligne. Avant l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, il bénéficiera d'une amnistie. Mais la mésaventure marque le début d'un long compagnonnage entre lui et la justice. À la fin de sa vie, il aurait pu ouvrir un cabinet d'avocat tant il maîtrisait le code pénal et tous ses trous noirs. Revenons au crépuscule des années 70. Le jeune patron, venu du Bourget, a besoin d'un apprentissage accéléré des us et coutumes en matière de gestion. Il devient alors le consultant pour le compte de Michel Loichaud, un polytechnicien touche-à-tout qui s'intéresse notamment au redressement des entreprises en difficulté. C'est auprès de lui que Tapie s'initie au mystère de la comptabilité, cash flow et bilan, aux arcanes de l'industrie. Il n'hésite pas à étendre son champ d'action en rachetant très en dessous de leur valeur les châteaux français du dictateur centrafricain Jean Bedel Bokassa. Comment procède-t-il ? Très simplement, il débarque à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où réside l'empereur en exil, et l'informe que ses multiples hôtels, biens, Cadillac et Rolls, vont être saisis par la justice française. Autant les lui vendre à lui, à 10% de leur valeur, pour éviter la ruine. Bokassa s'exécute en octobre 1979. Tapie s'engage à verser 12,5 millions de francs. Même le New York Times en parle. Mais l'audacieux a mis les pieds dans un domaine qu'il ne maîtrise pas, la diplomatie parallèle et les réseaux africains. Il déchante. Je m'étais attiré la haine de Giscard d'Estaing en achetant les châteaux de son parent, l'empereur Bokassa, se souviendra Tapie, qui voit arriver les renseignements généraux, le fisc et les douanes. Bokassa comprend qu'il a été roulé. Il n'a jamais été question de saisir ses biens. Le tribunal d'Abidjan annule la vente pour violence morale et dole. Bernard Tapie est condamné encore à 100 000 francs de dommages et intérêts. Nous voici maintenant au début des années 80, où tout semble possible côté business. Tapie va incarner cette décennie. Dès 1980, il obtient l'exploitation de Manufrance, célèbre manufacture stéphanoise d'armes et de cycles qui vient de déposer son bilan. Dès lors, il se spécialise dans le rachat pour le franc symbolique d'entreprises prestigieuses, mais en voie de faillite. Il met la main sur Terraillon, sur Look, sur La Vie Claire, Testu, Vonder ou Donnet. Les médias le boudaient. C'est terminé. Il devient un objet de curiosité. Il a senti avant tout le monde, lui, l'ancien vendeur de télévision, l'influence du petit écran et surtout l'importance de la communication. On ne comprend rien à Tapie si l'on nommait ce don inné pour la communication. Il n'a jamais eu besoin d'un conseiller. En témoigne l'entretien bouleversant, quoique très encadré, accordé à France 2 en novembre 2017, qui le révèle tel qu'en lui-même, hâbleur et bravache. Mais affaibli par son cancer, le visage marqué, les cheveux dévastés par une chimiothérapie, il s'adresse à son public, le français moyen, le touche au cœur, le reconquiert. La télé est son jouet. Il le maîtrise à la perfection. Ce sera aussi son passeport pour la gloire. Au mi-temps des années 80, Bernard Tapie commence à hanter les plateaux de télévision. Les programmes culturels, tout d'abord, comme Le Grand Échiquier, puis les émissions touchant une audience plus large, comme le show de variété Champs-Élysées. Il devient la personnalité préférée des jeunes, l'homme le plus séduisant, juste derrière Alain Delon, excusez du peu, pour les femmes, et gagne le titre d'homme de l'année 1984, décerné par les médias. De son côté, il poursuit son ascension, prenant des parts dans TF1, puis créant en 1986 sa première émission baptisée Ambition. Son but ? Aider un jeune à monter son projet en direct. Doucement, il instille l'idée, en France, qu'un entrepreneur n'est pas forcément attirant, que le verbe « réussir » n'a rien d'un gros mot, du Macron avant l'heure. Nombre d'entrepreneurs assument ce qu'ils lui doivent aujourd'hui, tel Xavier Niel, par exemple, qui le soutiendra jusqu'au dernier instant. Ambition, gagner, réussir. À sa manière, il incarne les valeurs de l'époque, et tant pis si les employés de société qu'il a reprises déchantent rapidement entre plans sociaux et promesses non tenues. En communiquant d'exception, il sait comment flatter le peuple. Il crée des écoles de la réussite un peu partout en France et permet à nombre de laissés pour compte de retrouver du travail jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à la fin de sa vie, il dira sa fierté d'être resté en contact avec certains d'entre eux. On peut être roué, mais sincère. Bernard Tapie est le boss de l'Olympique de Marseille. Pour s'imposer définitivement, il choisit le sport. Dès 1984, il repère le mal-être de l'idole du cyclisme français, Bernard Hinault. Ce champion de 29 ans, réputé pour son caractère bourru, soigne un genou récalcitrant. L'équipe Renault le remercie, malgré ses 4 Tours de France, gagnés sous ses couleurs. Tapie fonce. Utilise la marque de la vie claire et embauche Hinault. Entre gagneurs, ça devrait fonctionner. Le système est vertueux. La société Look, une autre marque de la galaxie Tapie, commence à commercialiser une pédale qui fera bientôt fureur. Hinault, Tapie, Look, la vie claire. Le casting suscite d'abord le scepticisme, puis l'admiration et enfin la passion. Après Tapie, le cyclisme ne sera plus jamais le même. Il a sorti son chéquier, les salaires explosent, le dopage aussi. Avec l'homme d'affaires, le vélo s'est relancé, la télévision s'y intéresse à nouveau. Tapie fait vendre, mais pour ce battant qui ne dort que 4 heures par nuit, il faut de nouveaux défis et toujours plus de reconnaissance. En 1986, il se trouve une autre passion, le football. Il rachète alors l'Olympique de Marseille, en pleine déconfiture, lui l'enfant de la banlieue parisienne. Et ce, il le rachète, cet Olympique, pour un franc symbolique. Tapie va se lancer. Au fil des années, il achète de nombreux joueurs célèbres ou en devenir. Basile Bowie, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona, Fabien Barthez, Chris Waddle. Tapie a du flair et de l'argent. À l'OM, il est partout, dans les vestiaires, les bureaux, sur le gazon. Les joueurs le surnomment le boss. Il les régale sur son yacht, le Phocéa. Qu'on voit certains journalistes parisiens à bord de son jet privé qu'il pilote lui-même. Le football, théâtre de tous ses excès, lui convient à merveille. Avec 4 titres de champion consécutifs, demi-finale, finale, puis victoire en Ligue des Champions en 1993, Tapie accède au panthéon du sport français et à la reconnaissance éternelle des fans marseillais. À travers l'OM, il incarne une fois de plus la France qui gagne. Et tant pis pour la morale, car pour parvenir à ses fins, le patron de l'OM a usé de méthodes peu orthodoxes. Les arbitres étrangers ont grassement été choyés. Les joueurs des équipes adverses ont adoré les déplacements à Marseille. Dans les hôtels où il descendait, de prétendus galas de coiffeuses, en réalité de prostituées payées par Tapie, occupaient les halls et les alcôves. les instances du football français le soupçonnaient de manœuvres pour arranger certains matchs en s'assurant les faveurs des joueurs adverses. En janvier 91, les sanctions tombent. Il est écarté pendant un an de toute fonction officielle dans ce sport pour manquement grave à la morale sportive. Mais cela ne l'arrête pas et il poursuit son chemin. Et maintenant, l'exercice du pouvoir. Quelqu'un à Paris observe le phénomène à l'œuvre. Le président de la République, François Mitterrand. Le contexte se prête à un rapprochement entre les deux hommes. En cette fin d'année 1980, le Parti socialiste se convertit à l'économie libérale. Les communistes ont quitté depuis longtemps le gouvernement. Tapie réconcilie une partie de la gauche avec le monde de l'entreprise. En 1987, le président demande à le rencontrer par l'intermédiaire du publicitaire Jacques Ségala. Le vieux président n'a aucun mal à le persuader de se lancer en politique sous les couleurs de la gauche. D'autant plus que le combat s'annonce violent en ces temps de poussée du Front National. Jean-Marie Le Pen guigne Marseille, lui aussi. On peut reprocher bien des choses à Bernard Tapie, mais s'il en est un domaine où il fut constant, c'est bien dans sa détestation du parti frontiste. Mitterrand, qui veut se représenter en 1988 et s'appuyer sur la société civile, l'incite à s'engager. Et c'est ainsi que Tapie se présente dans la 6e circonscription de Marseille. Réputé imprenable, il se présente sous l'étiquette de la majorité présidentielle aux législatives de juin 1988. Et ce, dans la foulée de la réélection de Mitterrand. Il perd, obtient l'annulation du scrutin et l'emporte finalement en 1989 avec 50,9% des voix. La même année, il affronte Jean-Marie Le Pen dans un duel télévisé sur TF1. Ses mots sont à la fois durs et simples. Défiant le tribun d'extrême droite, Tapie touche l'électorat populaire au cœur. Le démagogue Le Pen a trouvé son maître. Pour la première fois, il doit en rabattre. Il est le seul en France à mener de front affaires, politique et sport dans un mélange des genres qui lui vaut bien des inimitiés. Et c'est ainsi qu'en juillet 1990, il rachète Adidas, le numéro un mondial de l'équipement sportif. Moyennant 245 millions d'euros, obtenu par le biais d'un pool bancaire mené par la SDBO, une filiale du Crédit Lyonnais, il réalise un rêve. Adidas, dit-il, c'est l'affaire de ma vie. Les pertes sont colossales. Tapie restructure, coupe, vend, licencie, il ose tout. Il est devenu si puissant à la tête d'une quarantaine de sociétés que rien ne l'effraie. Il insulte même les électeurs du Front National lors des régionales de 1992. Si l'on juge que Le Pen est un salaud, nous dit-il, alors ceux qui votent pour lui sont aussi des salauds, assène-t-il lors d'un meeting politique. C'était aussi cela, Tapie, une sacrée paire de burnes qui aime à le caricaturer les auteurs du guignol de Canal+, dont la marionnette campe un nanar gouailleur, roi de l'arnaque à la française. C'est cet homme-là qui, fort d'une proximité avec Pierre Bérégovoy, alors Premier ministre, Bernard Kouchner et quelques autres responsables de gauche, devient ministre de la ville en avril 1992. Un homme d'affaires aux agissements jugés troubles, nommé dans un gouvernement de gauche. Pour certains, la pilule est d'autant plus amère que Mitterrand l'apprécie tant qu'il le garde en entretien privé. Il sait à quel point cet homme capable de murmurer à l'oreille des banlieues et d'une partie de la jeunesse est précieux. En guise d'avertissement, Kouchner glisse tout de même à son ami Tapie. Tu avais quelques ennemis, quelques amis et quelques ministres indifférents à ton égard dans ce gouvernement. Sache qu'il ne te reste maintenant que des ennemis, à part Bérégovoy et moi. Tapie n'affiche pas les bonnes manières requises et ça l'amuse. Le voici au fait de sa puissance, même s'il doit, à la demande de Mitterrand, se défaire de ses différentes sociétés. Il lance à la hâte son désengagement d'Adidas, un mécanisme de revente pour 317 millions qui le poursuivra le reste de son existence. Nous disions bien 317 millions d'euros. Mais en ce printemps de 1992, il ne renifle pas l'odeur du danger. Sauf que Kouchner a raison, les ennemis ne manquent pas. Tapie est monté trop vite, trop haut, il a tapé trop fort, humilié ses adversaires, triomphé sans scrupule. Il a beaucoup d'ennemis, sans parler des médias avec lesquels ses relations sont fluctuantes. Il y a les journalistes dont il a su obtenir les faveurs à coups d'informations, plus ou moins vraies, et de voyages gratuits. Et il y a tous les autres, ceux qu'il a agressés mentalement, verbalement et physiquement. Et plus dure sera la chute. L'inversion de la courbe est datée. Le 23 mai 1992, il est contraint de démissionner de son poste de ministre. 52 jours après sa nomination, en raison de son implication dans une affaire judiciaire, l'opposant à l'autre homme d'affaires, Georges Tranchant. Il obtient un non-lieu et retrouve le gouvernement en janvier 1993. Son retour ne fait pas que des adieux, que des heureux, pardon. La première fois, c'était une erreur, la deuxième fois, c'est une faute, s'emporte alors le député de Corrèze, François Hollande, au sujet de la décision de Mitterrand. Le répit est de courte durée, puisque la gauche est atomisée aux élections législatives de mars 1993 et perd le pouvoir. Tapie s'en sort, lui, lors d'une triangulaire avec 44,4% des voix. Mais ses adversaires le soupçonnent d'avoir obtenu de Jean-Marie Le Pen le maintien au second tour du candidat frontiste sous prétexte de faire barrage à la droite. Tapie a beau nier, mais le doute subsiste. Tapie se rapprochera ensuite du mouvement des radicaux de gauche, le mouvement dit « émergé ». Il prend la tête d'une liste pour les élections européennes de 1994. De son côté, le PS a investi Michel Rocard, le meilleur ennemi de François Mitterrand. L'ancien Premier ministre, qui sent poindre les ennuis judiciaires de Tapie, refuse de faire alliance avec le MRG. Une erreur politique puisque l'homme d'affaires avec 12,03% des voix talonne la liste socialiste et précipite Rocard dans les abîmes. Mais l'étoile Tapie pâlit dangereusement. D'abord pour la revente d'Adidas, le Crédit Lyonnais le met en faillite en mars 1994, en cassant le mémorandum qui lui permettait de rembourser sa dette restante. Tapie se retourne contre la banque, estimant que celle-ci, par des montages offshore, a encaissé d'énormes plus-values dans son dos lors du deal Adidas. Le voici potentiellement ruiné. À la demande du Crédit Lyonnais, les meubles de son hôtel particulier sont saisis. Il est publiquement humilié et acculé. L'autre affaire responsable de sa chute concerne le football et l'affaire de corruption qui entoure la rencontre entre l'équipe de Valenciennes et l'Olympique de Marseille en 1993. et en 1997, le dossier dit des comptes de l'OM. Le détournement de 101 millions de francs, environ 15 millions d'euros, deux dossiers pour lesquels il sera lourdement condamné. Dès le 1er juillet 1996, le tribunal de Béthune, Pas-de-Calais, le condamne pour abus de biens sociaux aux dépens de la société d'instruments de pesage Testu, dont il a été PDG jusqu'en avril 1992. Il est condamné à Paris le 4 juin 1997 pour fraude fiscale après avoir bénéficié de sous-facturation de la société exploitant son yacht Le Phocéa ou de dispense de facture. La condamnation la plus infamante à ses yeux lui vaut 2 ans de prison, dont 8 mois ferme. Interrogé en 2017 par Le Monde, il relativisera sa mésaventure dans ces termes. « Il ne se passe pas un jour sans que quelqu'un me dise « c'est en voyant ambition que j'ai eu envie de faire mon entreprise. Là, tu te dis que t'es pas venu sur Terre pour rien, parce que, à l'inverse, j'ai jamais vu un mec m'arrêter dans la rue pour me dire « grâce à toi, j'ai eu envie d'être un voyou. » Arnaqueur, menteur, délinquant, récidiviste, tout a été dit sur tapis. Lui-même confiait s'être fait prendre pour ce qu'il n'avait pas fait et pour ce qu'il n'y avait jamais fait. Mais son vrai trait de caractère, c'est la résilience. Il prend un coup, il en remet deux. Le retour du phénix. Le cinéaste Claude Lelouch lui permet de refaire surface en lui confiant un rôle dans son film « Homme, femme, mode d'emploi » en 1996. À 53 ans, Tapie se découvre un avenir. Jouer la comédie, après tout, il l'a fait toute sa vie. Il enchaîne une émission de radio sur Monte-Carlo, puis un rôle au théâtre dans « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Le public se presse pour assister au retour du phénomène. Il y prend goût. 3 autres pièces de théâtre suivent, ainsi qu'une série télévisée sur TF1. Commissaire Valence. Tapie, l'acteur, séduit le public. Même les critiques lui reconnaissent un don pour sa comédie. S'il se refait une santé sur le plan financier, il n'y a pas d'abandonner son combat contre le Crédit Lyonnais. Plusieurs jugements lui sont favorables, mais les recours se multiplient. Jusqu'à la décision finale du tribunal arbitral en juillet 2008, lui accordant 405 millions d'euros, dont 45 millions au titre d'un préjudice moral. Cette fois, c'est sûr, le phénix Tapie est bien de retour. D'autant que son ami Nicolas Sarkozy a accédé à la présidence en 2007. Dans la foulée de ce comeback, il reste discret, investi à tout va, après avoir remboursé ses dettes. Combien perçoit-il réellement de l'État ? Il s'en est toujours tenu à un seul montant, 245 millions d'euros. Une somme qu'il s'est empressé de dépenser en achetant des demeures pour ses enfants, sa femme, une somptueuse villa à Saint-Tropez, un yacht, un avion. Et, suprême pied de nez, lui qui déteste les journalistes, l'achat d'un journal, La Provence. Il ne veut plus régner, non, il a trouvé plus amusant et surtout moins risqué. Il sera faiseur de roi. Il profite de la vie à nouveau. Les chefs d'entreprise les plus connus viennent dîner chez lui, rue des Saints-Pères, dans son hôtel particulier. Il arrange des deals, permet des rencontres, fréquente l'Élysée, houspille les patrons de chaînes de télé. Tapie est bel et bien revenu au sommet parmi les 500 plus grandes fortunes françaises. Mais cela ne va pas durer. Il est rattrapé par les affaires. Il paie, selon lui, les dégâts que son intrusion politique aurait causés. Il n'a pas toujours tort. Il a fédéré beaucoup d'intérêts contre lui, mais à l'examen de ses différentes procédures, force est de reconnaître qu'il a surtout eu le chic pour se mettre lui-même dans de sales draps. En témoigne l'affaire de l'arbitrage qui va le relancer au cœur de l'actualité judiciaire. En obtenant ce jugement, qui lui octroie une somme globale de 405 millions d'euros, en 2008, Tapie a choqué. Certains soupçonnent une manœuvre, et ils sont plutôt fondés à le faire. C'est Christine Lagarde, la ministre de l'économie de Nicolas Sarkozy, qui a accepté en 2007 le principe de l'arbitrage contre l'avis des fonctionnaires de son administration. Lagarde n'a pas eu trop le choix, la décision ayant été prise à l'Élysée. En ex-avocate, la ministre de l'économie considère que l'arbitrage est une bonne solution. Tapie a déjà bénéficié de plusieurs décisions judiciaires favorables dans son vieux conflit avec le Crédit Lyonnais. Un arbitrage, pense-t-elle, pourrait accélérer le règlement du litige. Au pire, estime-t-elle, les arbitres lui accorderont une somme modeste qui permettra de rembourser ses dettes envers le fisc. Mais elle sous-estime Tapie. L'homme d'affaires et son avocat, le rusé Maurice Lantourne, ravis d'avoir obtenu un arbitrage, choisissent leurs représentants au sein du trio de juristes amenés à trancher un certain Pierre Estoupe, ex-magistrat devenu arbitre professionnel. Les deux autres arbitres, Pierre Mazot et Jean-Denis Bredin, juriste incontestable, personnalité intègre, assure une respectabilité de façade. Mais les dés sont pipés. Lantourne et Estoupe se connaissent et ont des relations professionnelles dont M. Estoupe se garde de faire état. Il prend en main le processus d'arbitrage, mais lorsque le jugement arbitral est rendu en juillet 2008, chacun tombe de sa chaise, sauf dans le camp Tapie. 405 millions d'euros. Christine Lagarde refuse de déposer un recours contre cet arbitrage devenu dès lors définitif. Là, Tapie est finalement mis en examen pour escroquerie en bande organisée, de même que Pierre Estoupe et Maurice Lantourne. Le juge Tournaire a déniché la faille et Bercy s'engouffre dans la brèche. L'objectif est d'obtenir l'annulation de l'arbitrage. C'est chose faite au fil de plusieurs décisions. Et en février 2015, Tapie est condamné à rembourser les fameux 405 millions d'euros qu'il n'a de fait jamais vraiment perçus. Il vend son yacht, son avion. Dans un entretien au Monde, il s'emporte. Pourquoi tant de haine ? Avant de se dire « ruiné de chez ruiné ». L'interminable feuilleton qu'il oppose au Crédit Lyonnais vire à l'obsession. Il lui consacre toute son énergie. Mais tout change au printemps 2017, alors que la perspective d'un renvoi devant le tribunal correctionnel pour simulacre d'arbitrage dénoncé par les juges se rapproche dangereusement. Lui, qui avait toujours pu compter sur une santé hors du commun, se découvre un dernier ennemi, le cancer. Il accepte de se confier, longuement, à l'été 2017, au Monde. « Ce canard de merde », nous dit-il, mais qu'il respecte, pourtant, à sa façon. Il parle de la mort, de sa foi, de son épouse, et suit quelques larmes. Car depuis son passage en prison, Tapie pleure. Cela, ça lui prend surtout quand il est question de sa famille. D'autres mots lui arrachent des râles de colère. Crédit Lyonnais, justice, évidemment. Enfin, quelques rares regrets. En septembre 2017, Tapie attribue la dégradation de son état de santé au stress généré par ses déboires judiciaires. En décembre, il hurle à l'acharnement quand il est définitivement renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire de l'arbitrage. Finalement, le tribunal correctionnel de Paris relaxe l'homme d'affaires le 9 juillet 2019, au motif que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas caractérisés. Tapie triomphe. Le jugement charpenté lui donne une certaine vigueur, mais le parquet fait appel, d'où le procès prévu en deuxième instance. Bernard Tapie nous avait confié, lors de nos derniers entretiens, quelques rares regrets. Avoir tant méprisé les journalistes, car je ne les déteste plus. J'ai eu un peu le cigare, et surtout, ne pas avoir été le maire de Marseille. Le fait est qu'il aura laissé une trace dans notre société, une empreinte flamboyante et sulfureuse que chacun appréciera selon ses goûts. Cet article a été écrit par deux journalistes, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Voici enfin quelques dates qui illustrent bien le parcours de notre ami Bernard Tapie. Bernard Tapie est né le 26 janvier 1943 à Paris. En 1966, il commence une carrière de chanteur. En 1974, il fonde la société Cœur Assistance. 1979, il rachète les châteaux français de Bocassa. 1980, rachète Manu France, avant de mettre la main sur Terraillon, Loup, Testu, Vonder et Donnet. En 1985, il dirige l'équipe La Vie Claire, qui remporte le Tour de France grâce à Bernard Hinault. 1986, il rachète l'Olympique de Marseille. En 89, il est élu député de la 6e circonscription de Marseille. En 1990, il rachète Adidas. En 92, il est nommé ministre de la Ville. Il démissionne 53 jours après sa nomination et réintègre le gouvernement en janvier 93. Le 26 mai 93, l'OM remporte la Ligue des Champions. En 94, tête de liste du MRG aux Européennes. En 95, condamné à un an de prison ferme dans l'affaire VAOM. En 96, il joue dans Homme, Femme, Mode d'emploi de Claude Lelouch. 2008, il obtiendra 405 millions d'euros lors de l'arbitrage sur l'affaire Adidas. 2013, il rachète le journal La Provence. 2015, la Cour d'appel de Paris prononce la rétractation du journal Arbitral. Nouveau procès en vue, 2019, relaxé par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire de l'arbitrage. Le parquet fait appel. Le 3 octobre 2021, Bernard Tapie est mort à Paris. La présente lecture de cet article du journal Le Monde vous a été faite par Claude Blackbeller le 31 octobre 2021. Merci pour votre attention.